إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله روى البخاري في صحيحه أن أبا طالب لما حضرته الموت دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وابن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزال يكلمانه حتى قال على ملة عبد المطلب ما أغنى عبد المطلب عن هذا كله ولكنها التبعية حين تكون بقالب التعظيم هي العدوى تصيب العقول كما تصيب الأبدان ما تكاد تهتدي حتى تضل ولا ترتفع حتى تنحط وما تكاد تمضي في الصراط المستقيم حتى ترتكس عباد الله إن سألتم من هو الإمعة فهاكم الجواب من سادة العلماء الإمعة الذي يتبع كل ناعق ويقول لكل أحد أنا معك فهو لا رأي له يرجع إليه قال ابن مسعود في معناها يجري مع كل ريح وما أبلغه رضي الله عنه فأهوى الناس كالريح وما يجري معهم فإنه لا يعرف للثبات طريقا والإمعة هي الذوبان في الآخرين والسير في سرداب التقليد والمحاكاة وإلغاء الذات الشخصية يقول تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون يقول هذا عن المشركين وعن قولهم والمبادئ ليست للبيع والقيم ليست للمساومة والأخلاق ليست عقود معاوضة فما عاد للإمعة محل عند أولي الألباب الذين يعون هذا الأثر العظيم لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا رواه الترمذي ويتدبرون قوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إنه لا أقبح للمرء من أن يكون ببغاء المتكلمين وما أبلغ وصية علي رضي الله عنه المشهورة عند أهل العلم الناس ثلاثة فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وسأل ابن وهب الإمام سفيان بن عيينة عن الإمعة فقال له: الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره، وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال. ويؤكد هذا المعنى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فيقول: لا يكونن أحدكم إمعة. قيل: وما الإمعة؟ قال: الذي يقول أنا مع الناس، إنه لا أسوة في الشر، إنه لا أسوة في الشر. وقال ابن القيم رحمه الله: وكانوا يسمون، أي الصحابة والتابعون، المقلد الإمعة ومحقب دينه، وكانوا يسمونه الأعمى الذي لا بصيرة له، ويسمون المقلدين أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح. وهذا الاتفاق من السلف على التحذير من الإمعة يدل على شدة فشوه في الناس، كما يدل على عظم خطره وجليل بوائقه. عباد الله، إن الأكثرية ليست معيارا للحق ولا أمارة للنجاة. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ولكنه مكيدة الشيطان التي ابتكرها لهذه الأمة فخلط عليهم الأمور. يقول تعالى عن قول المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ولهذا كان العلم أهم ما يحصن المرء على هذا الداء، كما نقرأ في وصايا السلف رحمهم الله. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعه فيما بين ذلك. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا في ثباته أمام ترهيب المشركين وترغيبهم بمقولته التي خلدها التاريخ: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. إنه الثبات لا الاهتزاز، والرسوخ لا التذبذب، وهو طوق النجاة في طوقان التبعية التي بليت بها الأمة في أزماننا. ومن طوق النجاة من هذه الفتنة أيضا التعلق بالله حتى يكون رضا الله هو المقدم. فليلتمس المرء رضا الله على سخط الناس، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه صدع بكلمته القوية عندما رأى من عمه خنوعا واستسلاما، مقتفيا خطى أخيه الكريم موسى عليه السلام حين صدع في قومه: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإن مما ينجي المرء من هذا الطوفان تصحيح المفاهيم، لا سيما مفهوم الجماعة، فلقد غشيه عند كثير من الناس حجب، فكان تنقيحه لزاما. ولله ضر بن مسعود حين قال في هذه المقولة الخالدة: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فليس الحق بالعدد أو الكثرة أو الأغلبية. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: اعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض. وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة. ذكرها البيهقي وغيره. وقد شذ الناس كلهم في زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة. عباد الله، إن من سبل النجاة من هذا الداء هو النظر في تراجم الأعلام الأثبات وتأمل أحوالهم وكيف كانت العاقبة لهم. فإن هذا واق بإذن الله للعبد من الغرق في طوفان الإمعة، ولا أجل وأعظم من سير الأنبياء والمصلحين، ولا أعظم من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لنا قدوة حسنة، فقال في محكم تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيرفيتور الله، préservez-vous d'Allah et de son châtiment le jour où vous allez devoir chacun d'entre nous se tenir devant le Seigneur des mondes, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître Tout-Puissant de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, pour répondre de nos actes et de nos paroles et être jugé pour chaque parole et chaque action. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque a fait un atome de bien, il le verra, et quiconque a fait un atome de mal, il le verra. Et il n'y a rien qui échappera à Allah subhanahu wa ta'ala, le juge suprême, le maître ultime, le juste par excellence, celui à qui rien n'échappe dans les cieux et dans la terre. Serviteur d'Allah, lorsque l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, est mort, ou bien lorsqu'il était sur son lit de mort quelques moments avant de décéder, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir et lui a dit: oh mon oncle, répète une parole par laquelle, si tu la prononces, je vais argumenter auprès d'Allah en ta faveur au jour de la résurrection. Et en même temps que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en train d'inviter son oncle à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte le tawhid et pour qu'il accepte la ilaha illallah, il y avait deux parmi Shayatin al-Ins, les diables humains, Abu Jahl, et un autre parmi les mushrikin, qui était en train de faire le travail contraire et d'inciter Abu Talib a resté sur le shirk et sur l'égarement. Et l'argument qu'il présentait à Abu Talib était uniquement un argument basé sur la fierté de la jahiliya et le fait de rester sur les coutumes et les traditions des ancêtres. Hein? Est-ce que tu vas abandonner la religion de ton grand-père ou de ton père, Abdul Muttalib, la religion du shirk? Et ça c'est la voie des kuffars et des mushrikines, de se baser uniquement sur ce que faisaient leurs ancêtres et leurs parents, sans tenir compte du fait, est-ce que ce qu'ils suivaient était la vérité ou non? Est-ce que ce qu'ils faisaient était basé sur la révélation et sur le Coran et sur la Sunna et sur la vérité? Ou est-ce que c'était uniquement le fait de suivre des pratiques et des croyances et des actes qui n'ont à leur sujet aucune preuve, aucune autorité révélée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et malheureusement, il est mort sur le shirk parce qu'il a refusé d'accepter de répéter la ilaha illallah, et il a préféré rester sur la religion des mushrikin et la religion d'Abdul Muttalib, en disant, je veux pas que les gens disent que j'ai abandonné la religion de mes ancêtres. Et combien de personnes aujourd'hui, et combien d'hommes aujourd'hui, et combien de musulmans aujourd'hui acceptent des idées, acceptent des principes, acceptent des paroles, acceptent des actions, non pas parce qu'elles sont en accord avec le Coran et la Sunna, mais uniquement parce que ce sont des choses qui sont acceptées par la majorité des hommes, ou parce que ce sont des choses qui sont pratiquées par la majorité des gens. Et parce que tout le monde le fait, eh bien, ils se sentent obligés de le faire eux aussi. Et parce que tout le monde y croit, ils se sentent obligés d'y croire aussi. Malgré que ces paroles et ces actions et ces croyances sont en contradiction totale avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran et dans la Sunna. Et quand tu leur demandes, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu crois en ça? Pourquoi tu suis cette chose? Et ils te disent, oui, mais tout le monde le fait. Donc, puisque tout le monde le fait, je dois le faire moi aussi. Je veux pas être différent. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la majorité des hommes sur terre, ils vont t'égarer du chemin d'Allah. Mais pourquoi on prend pas d'exhortation et de leçons? Combien de jeunes qui vont dans les écoles publiques ou dans les écoles privées et qui voient leurs compagnons à l'école qui font toutes sortes de choses haram et des choses contraires à l'islam, et eux, ils se posent pas la question, mais je dois pas faire ça parce que ça, Allah, il l'a interdit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interdit. Non, ils veulent suivre les autres parce que les autres le font. La pression des pères, la pression de la majorité, la pression de vouloir ressembler aux autres et de ne pas vouloir être différent. Combien de femmes musulmanes qui sortent dans cette société et qui voient toutes les femmes qui sont parfumées, maquillées, talons hauts, avec des vêtements courts et moulants, et qui disent, mais je peux pas être différente, il faut que je sois comme elle aussi pour me faire accepter, pour que la société m'aime, pour que la société me glorifie. Et elles ne réalisent pas qu'elles sont en train de désobéir à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Elles ont mis la satisfaction des créatures au-dessus de la satisfaction du créateur. Et elles ont plus peur de la colère ou de la haine des créatures que de la colère et de la haine d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'elles désobéissent à leur créateur. Et combien d'exemples on peut trouver dans les actions que nous faisons tous les jours et dans les opinions que nous avons sur toutes sortes de sujets, au sujet de la religion, au sujet de la société, au sujet de la politique, au sujet de l'économie, au sujet de nos goûts et de nos modes et de notre façon de vivre, notre façon de penser. Si on les ramène au Coran et à la Sunna, on réalise que dans beaucoup de ces choses, on est en train de contredire le Coran et la Sunna. Et ça ne nous dérange pas. Pourquoi? parce que on veut plaire à la majorité. On veut être conformiste. On veut être accepté par les gens. Et on n'a pas peur de désobéir à Allah et que Allah soit insatisfait de nous ou en colère contre nous. Et ça, ça veut dire que la personne qui est comme ça, elle veut plaire à tout le monde. Elle veut être satisfaire l'opinion de tout le monde. Comme c'est mentionné dans les hadiths et dans les paroles des salafs, la personne qui est imma'a, elle veut suivre l'opinion de tout le monde. Elle veut être avec tout le monde. Elle veut que tout le monde soit contente d'elle ou de, satisfaite de sa personne. Tout le monde soit content de lui. Même si elle contredit la réalité et la vérité de ce que Allah a révélé, le musulman n'a pas le droit d'être comme ça. Le musulman n'a pas le droit d'être comme ça. Le musulman doit être ferme, thabit. Il doit être sur sa aqida, sur sa conviction, sur sa croyance. Il ne doit pas être mutadhabbib, hein, un jour à gauche, un jour à droite, hein, un jour avec ceci, un jour avec cela. Mudhabdhabuna bayna dhalik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Il ne sait pas de quel clan il fait partie. Il ne sait pas de quel côté il doit se placer. Parce qu'il veut plaire à tout le monde. Il n'a pas de personnalité. Il n'a pas de dignité. Ça, c'est un problème. Le musulman n'a pas le droit d'être comme ça. Le musulman doit être ferme, s'accrocher à la vérité et rester sur cette vérité et la suivre jusqu'à la mort. Les salafs ont dit, et parmi leurs paroles, Iyakum wa talawun fi din. Iyakum wa talawun fi din. Ça veut dire, fais attention de changer de couleur dans ta religion. Comme le caméléon. Le caméléon, lorsqu'il est sur du vert, il devient vert. Lorsqu'il est sur du rouge, il devient rouge. Lorsqu'il est sur du bleu, il devient bleu. Eh bien, il y a des hommes qui sont comme ça. Malheureusement, parmi les musulmans, s'ils sont avec un groupe, ils deviennent comme eux. S'il est avec un autre, il devient comme eux. Et il change de position comme il change de veste ou de chemise. Il n'a pas de personnalité, il n'a pas de fermeté dans ses opinions, dans ses positions, dans ses croyances, dans sa aqida, dans son manhaj, dans sa voix. Le musulman n'a pas le droit d'être comme ça. Le musulman doit être ferme sur la vérité, s'accrocher au haq et ne pas regarder le nombre ou la quantité. C'est pas le nombre qui détermine si quelque chose est vrai ou si quelque chose est faux. Qu'est-ce qui détermine si quelque chose est vrai? C'est si c'est en accord avec le Coran et la Sunna. Qu'est-ce qui détermine si quelque chose est vrai? C'est pas que la majorité l'a choisi et c'est pas parce que la minorité l'a rejeté, l'a accepté ou non. La vérité, c'est ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna, peu importe le nombre. Et ça, c'est très important pour nous de le comprendre. Parce qu'il y a des hommes qui basent leur notion et leur concept de vérité sur la quantité et le nombre, non pas sur la qualité et sur la vérité. Et c'est pour cette raison que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous ordonne de rester avec la jama'a, ça ne veut pas dire le nombre. Et ça ne veut pas dire de rester avec la majorité. De même que lorsqu'il nous dit que la vérité c'est as-sawad ou l'ardam, ça ne veut pas dire non plus d'être avec la masse, ou d'être avec la majorité, ou d'être d'accord avec ce que tout le monde pense. Mais d'être avec as-sawad ou l'ardam, et d'être avec al-jama'a, les salafs l'ont expliqué. C'est que tu sois en accord avec la vérité, même si tu es tout seul. Que tu sois en accord avec la vérité, même si tu es seul. Et si tu es sur la vérité, c'est toi la jama'a. Si tu es sur la vérité, c'est toi la jama'a, même si tu es tout seul et que tous les habitants de la terre te contredisent. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé Ibrahim alayhi salam une umma à lui seul? Alors que c'est une seule personne, il l'a appelé une umma. Parce qu'il était le seul sur la vérité. Et donc, il représente la umma. Il est comme une umma à lui seul. Et donc, la vérité n'a rien à voir avec le nombre seulement. Et si tu prends la quantité et le nombre uniquement comme ton repère pour déterminer ce qui est vrai ou faux, tu es certain de tomber dans l'égarement. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعقلون. La plupart des gens ne réfléchissent pas. La plupart des gens ne savent pas. Si tu veux être parmi la majorité, eh bien, tu risques de faire partie de ceux qui ne savent pas, de ceux qui ne réfléchissent pas. Ne suis pas les autres aveuglément. Ne sois pas le perroquet qui répète ce que les autres disent, juste parce que ça paraît ou ça sonne bien. Non. Parle avec conviction, parle avec preuve, parle avec le Coran et la Sunna, tu vas dire la vérité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم